Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Ludologie. Alors j'en ai bien conscience en ce moment, vous devez prendre un petit peu trop l'habitude d'entendre ma voix, mais rassurez-vous, nous sommes toujours quatre dans l'équipe et nos coéquipières et coéquipiers seront de retour pour les prochains épisodes. En tout cas, on est deux, hein, de toute manière, comme chaque épisode pour animer ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Adrien. On se fait un petit revival saison 1, saison 2 avec Adrien, ces quelques derniers numéros, comme vous l'aurez remarqué. Mais Fanny et Célène vont venir reprendre les rênes de ce podcast efficacement et rapidement dans les prochains jours. Et puis, comme vous voyez, aujourd'hui, on a des invités exceptionnels. Je pense qu'on a l'invité le plus jeune de Ludologie depuis le début. Il s'appelle Victor. C'est pas lui qui va vous parler le plus, c'est plutôt son papa. Son papa, c'est Thomas Munier, que vous connaissez déjà, qui nous a parlé de typologie de jeu quand nous avons échangé avec lui l'année dernière, s'il m'en souvient bien. On avait parlé des jeux tactiques, des jeux moraux. Et puis aujourd'hui, on va faire un tour à 360 degrés puisqu'on va parler de réalité virtuelle. Thomas nous a contacté parce qu'il avait des choses à dire sur le sujet. Vous imaginez bien que quand Thomas Meunier vous dit « j'ai des choses à dire », on lui dit « ok, tu viens les dire chez nous ». C'est donc avec plaisir que vous allez pouvoir découvrir ça. Bienvenue, vous êtes dans Ludologie. Et donc bonjour à toutes et à tous. Ludologie, on va encore parler de jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle comme à chaque fois. Et oui, tout à fait Victor, je n'aurais pas dit mieux. Peut-être avant de commencer Thomas, je vais te demander, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est tous ces mots bizarres que sont réalité augmentée, réalité virtuelle et autres acronymes obscurs. Alors peut-être avant, je voulais juste préciser une chose quand même, c'est que je suis vraiment venu vous parler en tant qu'amateur, quoi. C'est des réflexions personnelles, mais je vais pas m'appuyer sur énormément de biblios et tout. C'est plutôt c'est plutôt ma sensibilité qui va parler entre guillemets. S'il y a évidemment des choses qui seront peut-être à contredire, à étayer, tout ça, c'est plutôt de la réflexion ouverte, quoi. On sera là de toute manière pour creuser si besoin, t'inquiète pas. Ouais, notamment sur le jeu vidéo, parce que là aussi, il faut que je le dise, forcément, réalité virtuelle, on a envie de parler de jeux vidéo. C'est clairement un domaine où je suis assez sous-qualifié, quoi. Je joue assez peu finalement et donc je suis loin de connaître tout ce qui se fait et des fois je connais mais sans en avoir l'expérience de jeu, quoi. Par contre, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que quand tu es quand même game designer, mais peut-être pas de jeux vidéo, mais donc de jeux de rôle. Et donc, je vais revenir à ma question. Donc, est-ce que tu peux, en tout cas, nous donner toi ta définition de ce qu'est la réalité virtuelle par rapport à la réalité alternée, qui est aussi un acronyme très très populaire. Alors, la réalité virtuelle, grosso modo, c'est un ensemble de signaux qui sont coordonnés en fait par un concepteur et auxquels le joueur, si c'est une réalité virtuelle ludique, ou le spectateur, si c'est pas une réalité virtuelle ludique, accorde une cohérence interne. Grosso modo, la personne qui est immergée dans la réalité virtuelle, eh bien, va entre guillemets croire ou faire semblant de croire qu'elle est dans un autre monde. Et la réalité augmentée, j'aurais presque tendance à dire que c'est une forme de réalité virtuelle. Où en fait, c'est les fameux signaux, là, on va les incruster dans le réel, pour donner encore plus une impression d'immersion, sachant que finalement, en fait, il va y avoir 10% de signaux du jeu et qui vont se mixer à 90% de réel. Et en fait, le tour de passe-passe de la réalité augmentée, c'est de tisser une cohérence entre le jeu et le monde réel, quoi. Tandis que c'est vrai que la réalité virtuelle, telle qu'on la conçoit habituellement, c'est un jeu monde, en fait, entre guillemets, il est enfermé à l'intérieur d'un cercle magique, il faut rentrer dedans pour avoir accès à la réalité virtuelle, il se mêle pas au monde, quoi. Et donc, bah, pour prolonger donc ta définition, pour prendre les exemples les plus populaires, la réalité augmentée, c'est par exemple Pokémon Go, où on est face à un jeu mobile, où grâce à la caméra du mobile, on va pouvoir trouver des Pokémon et les capturer, et après créer des combats de Pokémon dans des points géographiques. Alors que la réalité virtuelle, maintenant, se matérialise principalement via les casques de réalité virtuelle, où on a quasiment un écran sur chaque œil qui nous donne une impression vraiment d'immersion totale. Si on tourne la tête grâce au gyroscope, c'est comme si on tournait la tête dans un monde, comme on peut le faire dans un FPS, mais là vraiment en 360 degrés et pas avec l'angle de vue de 90 degrés, je crois, d'un écran. Mm-hmm. Manuel, tu dois te gratter la barbe en faisant ça, tu veux peut-être réagir. J'avais l'impression, Thomas, dans la description que t'en donnais, que dans réalité virtuelle, tu incluais la notion de suspension d'incrédulité qui est souvent évoquée, notamment dans le domaine du jeu de rôle. Ouais, c'est quand on accepte de croire au monde virtuel, quoi. On a le temps du jeu, on accepte de croire à l'existence et à la cohérence de ce monde, de cette arène virtuelle. D'accord. Et c'est ça qui permet d'y jouer, en fait, et puis de prendre plaisir à y jouer. Et du coup, en fait, la réalité virtuelle, elle se base sur le savoir-faire du concepteur, capable de créer une réalité virtuelle qui soit immersive, qui soit bluffante, tout ce qu'on veut, quoi. Mais aussi, l'existence de la réalité virtuelle n'est permise que par la bonne volonté, finalement, de la personne qui va y jouer, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que un des points qui est particulièrement troublant avec la réalité virtuelle, c'est la sensation physique. C'est-à-dire que de nombreux joueurs et joueuses ressentent ce qu'on appelle le motion sickness, une sorte de nausée, une sorte de mal de mer, parce que notre oreille interne ne comprend pas, n'arrive pas à suivre ce que voient nos yeux. Nos yeux bougent, enfin voient en tout cas en mouvement, alors que notre oreille interne nous dit qu'on ne bouge pas. C'est quand même quelque chose qui est très différent du jeu de rôle, où on est dans l'abstraction pure, où le corps n'a peut-être pas de signaux contradictoires. Mais qu'est-ce... Où est-ce que tu veux en venir avec ta démonstration, en fait ? Qu'est-ce que tu cherches à me prouver, là ? Alors, non, je sais pas, c'est pas méchant, mais c'était pour dire peut-être qu'il y a une nuance, en tout cas, à faire entre la réalité virtuelle, comme on peut la voir aujourd'hui grâce aux nombreux casques qui existent sur le marché, et le jeu de rôle, où effectivement, il y a une suspension de la crédulité, mais qui est purement mentale. Là où la réalité virtuelle a quelque chose qui interviendrait, voilà, en jeu vidéo ou avec le casque de réalité virtuelle. C'est ça. Non, n'empêche que on est quand même d'accord. Si je te fais, si tu joues avec un casque de réalité virtuelle, t'acceptes de croire que ce que tu vois dans le casque, c'est vrai. Bah oui et non. Tu vois, en fait. Oui et non, parce que justement le l'aspect physique, physiologique même. Non, mais ouais. Je veux dire, je pourrais pas te mettre un casque dans ton sommeil, que tu te réveilles le matin et puis tu crois que ton monde est devenu envahi par des zombies. Tu vois ce que je veux dire, quoi. On n'est encore pas arrivé à Neo dans la matrice, qui est immergé dans une réalité virtuelle à l'insu de son plein gré, quoi. Ouais, non, là-dessus, effectivement, je te suis. Voilà, là, elle fonctionne avec les réalités virtuelles qu'on connaît aujourd'hui, elles fonctionnent toutes sur la base du consentement de la personne, quoi. Consentement à croire, quoi. Bah, c'est un petit peu antinomique comme expression, mais là, tu faisais un parallèle entre jeu de rôle et jeu vidéo, ça m'amène donc à mes deux points, vraiment ce qu'était le sujet, en fait, de ma venue. Donc la première chose, c'est qu'on va parler de réalité virtuelle mais ludique, Hein, c'est-à-dire que, par exemple, le casque de réalité virtuelle pour faire une simulation de traverser un pont ou être sur le bord d'un immeuble, tu sais, pour guérir du vertige, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Là, on veut parler de moments où le jeu fait réalité virtuelle et où la réalité virtuelle fait jeu. Et l'autre point, c'était de montrer qu'il y avait des réalités virtuelles qui étaient analogiques, ou entre guillemets, on peut dire papier-carton, et des réalités ou mécaniques, et des réalités virtuelles qui sont digitales. C'est-à-dire qu'elles font, elles vont faire intervenir le numérique, quoi. Donc l'électronique, l'informatique, tout ça, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu veux nous présenter un peu la première partie de cet exposé ? Ouais. Bah, déjà, la question, c'était de se dire que tout jeu est une réalité virtuelle. Au sens, si on se dit qu'une réalité virtuelle, c'est une simulation, en fait, un jeu est là pour simuler quelque chose, quoi. Si je joue au jeu de plateau Formule D, bon, bah, on simule une course de bagnole et tout. Quelque part, on pourrait dire que Formule D, c'est une réalité virtuelle de voiture de course, quoi. Même si je conçois bien qu'on n'aura pas une sensation de vertige en jouant en Formule D, quoi, ou alors très atténuée, quoi. Ok. Est-ce que y a pas un rapprochement avec, je sais pas si le terme est très heureux, mais une réalité fictionnelle ? Bah, parce qu'en fait, la fiction, si tu veux, c'est un élément de la réalité virtuelle, quoi. C'est-à-dire que si un jeu, c'est vrai que souvent un jeu t'apporte un récit, quoi. Et donc, on a tendance à rapprocher le récit du monde, en fait. Un récit, c'est un monde, en quelque sorte, quoi. Donc, un récit, entre guillemets, le récit de course de bagnole de Formule D, tu vas assez facilement l'interpréter comme étant un monde de voitures de course. D'accord. Et quelle différence tu fais, du coup, avec le jeu comme réalité virtuelle ? Alors, mon propos, c'était de dire que tout jeu était une réalité virtuelle. Tout jeu est une simulation de quelque chose, quoi. Il y en a qui sont très très abstraits, hein. C'est évident que le jeu de Go, c'est censé être une simulation de bataille. Bon, c'est hyper abstrait, hein. On est d'accord. C'est vraiment presque le degré zéro de la réalité virtuelle, quoi. Mais même le jeu de Go ou le jeu d'échecs, ce sont des réalités virtuelles. Ça, c'était le premier propos. Et c'est des réalités virtuelles ludiques dans le sens où, je vais prendre un exemple, l'ancêtre du casque de réalité virtuelle, c'est le Sensorama. C'est un jeu qui a été, enfin un jeu, une machine qui a été développée dans les années 50, parce que c'est pas un jeu justement, on va voir, où en fait ça ressemble un peu à une borne d'arcade de jeux vidéo. Faut voir la photo sur Wikipédia, c'est vraiment très drôle. Et en fait, tu as un écran, je pense que c'est un triple écran en fait. Donc il y a un écran en face de toi, puis un écran sur chaque côté. Donc toi, tu te mets au milieu, tu mets ta tête au milieu. Et puis ça t'envoie, en fait, ça utilise les cinq sens. Donc les écrans diffusent un film en fait. Donc un film sous trois angles différents. Et puis ça t'envoie aussi je crois que ça utilise le toucher. Ça t'envoyait des parfums, du son et tout. Donc l'idée, c'est que ça impliquait les cinq sens, quoi. Mais quand t'es dans le Sensorama, tu ne joues pas. Tu es juste spectateur de ce qui se passe, quoi. Alors mettons que, je sais pas, il y a un film de montagnes russes. T'as l'impression d'être dans les montagnes russes, mais tu n'actionnes jamais, quoi. Donc du coup, l'élément pour un jeu réalité virtuelle, c'est que petit 1, il faut que la personne soit consciente d'être dans une réalité virtuelle, hein. Donc c'est pas, je t'ai pas drogué pendant la nuit pour te faire croire que le monde a changé, quoi. Et puis il faut qu'elle soit actionnante, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle interagisse avec ce monde virtuel pour que ça soit vraiment un jeu. Oui, oui, bah jusqu'ici, effectivement, on te suit assez bien, même si, pour le coup, effectivement, là, on a des propositions de réalité virtuelle existante qui sont en dehors du jeu en tant que film, mais qui ouvrent la possibilité au spectateur de tourner la tête et de regarder à 360 degrés et aussi en haut et en bas. Il y a une petite... Non, bien sûr, il n'y a pas d'interactivité à proprement parler, mais il y a un choix du spectateur sur l'angle de vue qui n'est déjà plus le même que dans un cinéma traditionnel, par exemple. Tout à fait, ouais. Alors donc, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs niveaux d'abstraction et de réalisme. Hein, le jeu d'échecs, pour le coup, c'est une réalité virtuelle très abstraite. Le casque de réalité virtuelle, on a envie de dire, c'est très très réaliste. Peut-être qu'un jour, on arrivera à des jeux vidéo qui sont comme dans le film Matrix, où vraiment, on a on plonge de façon sensorielle totale. Enfin, imaginons qu'on puisse avoir des électrodes dans le cerveau et tout, on serait dans un niveau de réalisme absolument total, quoi. Par exemple, dans le film, dans le bouquin Hyperion, il y a un guerrier en fait qui s'entraîne en combat en revivant la bataille d'Azincourt en permanence. Tu vois, il se plonge dans une réalité virtuelle et il revit la bataille 100 000 fois jusqu'à devenir super fort, quoi. C'est l'immersion totale qui est proposée dans la littérature cyberpunk, où on se branche sur un univers virtuel et on peut effectivement l'explorer en ayant la sensation d'y être, quoi. Donc la sensation de réalisme dans les jeux analogiques, elle va plutôt être c'est pas une prouesse technologique qui va la permettre, c'est plutôt vraiment une mise en place maximum d'éléments réels. Donc entre guillemets, on pourrait se dire le summum du réaliste dans les jeux analogiques, c'est le jeu de rôle grandeur nature. Et presque, je m'étais même posé la question sans réussir à répondre, c'était est-ce que finalement le GN n'était pas trop réel pour être une réalité virtuelle, quoi. Est-ce qu'on, bon, j'ai pas la réponse, j'ai du mal à trancher. Ouais, moi j'aurais tendance à dire que... peut-être, c'est peut-être le mot virtuel qui me gêne, peut-être une réalité ludique en tout cas, il pousse une réalité ludique qui est très forte et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'escape game. On n'a pas encore parlé de ça, mais c'est vrai que là encore on est immergé et en plus on est enfermé dedans, quoi. Donc c'est encore plus violent. Je faisais un petit crochet par le film The Game de David Fincher, où on propose au héros Michael Douglas de participer à un jeu qui est vraiment impressionnant et tout, et en fait c'est pour le coup c'est un jeu de rôle grandeur nature, mais incarné dans le réel, c'est-à-dire qu'il y a des... il se retrouve... je pense que je peux le dire sans trop spoiler le film, mais il se retrouve assez rapidement pourchassé par des tueurs, quoi. Et en fait, c'est ça le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le traquent dans la vraie vie, quoi. Et donc là, c'est pareil, c'est une sorte de poussée vers le réalisme jusqu'au boutiste, quoi. On parle souvent de jeu comme un moyen d'évasion. Et donc, quelque part, si on s'évade par le jeu, c'est bien dans une autre réalité. Il faut bien aller quelque part, en fait, quand on dit qu'on s'évade. Je pense que c'est un autre indice, justement, pour nous dire que le jeu est une réalité virtuelle. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais à dire sur ce premier point, en fait, sur qui me sert un petit peu de postulat pour la suite. Le jeu est une réalité virtuelle. D'accord, donc le jeu est une réalité virtuelle et le jeu fait... une réalité virtuelle, et tu as donc l'axe inverse où c'est la réalité virtuelle qui fait le jeu. Tu avais ça aussi. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? Qu'est-ce qui c'est le pacte ludique, le fait de le respect des règles qui fait cette réalité virtuelle, ou qu'est-ce que En fait, si je te plonge dans une réalité virtuelle qui est actionnable, on parlait de l'escape game, c'est un bon exemple en fait. Du moment que tu peux actionner réalité virtuelle, t'as envie de jouer avec, en fait. Le playing, il vient très rapidement, quoi. Donc, effectivement. Et en plus, t'as la notion, je crois que c'est Kaiwa, il y a plusieurs définitions de jeu, c'est souvent un espace sans enjeu. Donc, en fait, dès le moment qu'on te plonge dans un espace sans enjeu, c'est-à-dire que tu peux, entre guillemets, tu peux faire des choses qui vont être sans gravité sur ta vie réelle, ça donne envie d'y jouer, en fait. Et donc j'avais un point suivant, en fait, c'est du coup, en fait, tous les points suivants, c'était vraiment, une fois qu'on a acté ça, c'était comment justement on utilise le jeu pour faire des réalités virtuelles, ou comment on améliore cet aspect réalité virtuelle pour faire de meilleurs jeux, ou en tout cas des jeux plus immersifs. Alors vas-y, rentrons dans le vif du sujet justement, maintenant qu'on a pris ce petit temps un peu pour définir les axiomes de ta réflexion. Rentrons dans ce vif, opérationnellement, qu'est-ce que ça implique? Alors, d'abord il y a la question de l'avatar. Donc l'avatar, c'est la projection en fait de la joueuse ou du joueur dans la réalité virtuelle, quoi. Et on pourrait dire que le jeu en réalité virtuelle, c'est explorer une simulation via un personnage. Donc, on peut imaginer plusieurs façons de gérer l'avatar. Il y a tout simplement la vision à la première personne dans les jeux vidéo, où en fait, ton avatar, tu ne le vois pas parce que finalement, c'est toi en fait, tu es ton propre avatar. Et ça, c'est déjà, ça permet des choses intéressantes, notamment la notion de champ contre champ. On parlait du sensorama, justement, où tu peux tourner la tête, en fait, pour voir un des trois écrans. Et quelque part, c'est ça qui donne déjà cette première impression de réel. C'est que y a quelque chose qui vit en dehors du champ de ton champ de perception. Quand tu regardes un des écrans, tu sais qu'il se passe quelque chose sur les deux autres écrans, mais tu sais pas quoi, il faut que tu tournes la tête pour le voir. Et ça fait partie des choses, justement, de l'expérience immersive, en fait. Et donc, on a le fameux avatar à la troisième personne, donc toujours dans les jeux vidéo. Là, tu vois ton bonhomme, donc ça amène des situations différentes. Et je dirais qu'il y a aussi les jeux sans avatar, où en fait, tu observes les situations en surplomb, comme si tu étais un dieu. Je pense que c'est important de voir qu'il y a des différences de gameplay qui sont fondamentales selon que tu adoptes une de ces trois postures-là, quoi. Bon, sachant que j'arrive pas toujours à trancher, en fait. Par exemple, dans le jeu d'échecs, est-ce qu'en fait le roi ce serait notre avatar, et en fait on joue le roi qui essaie de se sauver et puis de coordonner ses armées, ou est-ce qu'en fait c'est une vue en surplomb? C'est difficile à savoir. Dans Magic, c'est pareil, on est censé. Tu dis c'est une vue en surplomb, mais on est censé jouer des magiciens qui se battent à coups de créatures et de sorts, quoi. Donc, et peut-être aussi que des fois, justement, multiplier les points de vue peut aussi participer à cette expérience immersive. Et tu penses que la question du point de vue en reprenant les différents types de représentations existantes dans le jeu vidéo, c'est des choses qui se transcrivent bien sur d'autres formats de jeu? Parce qu'on voit bien dans les deux exemples que tu donnes qu'on tombe très vite sur des difficultés qui sont attenantes au format de jeu. Ouais. Bah déjà, même dans le jeu vidéo, hein, je veux dire, il y a des jeux vidéo qui te permettent d'alterner les trois postures de vue, hein. Donc, tu prends un jeu de rôle, par exemple, selon que tu vas parler de ton personnage à la première ou à la troisième personne, tu changes de posture de vue aussi, quoi. Mais aussi, on peut se demander, se dire, bah non, en fait, l'expérience immersive, il faudrait une seule posture pour créer, voilà, pour créer une impression de cohérence. J'ai pas de réponse tranchée. Là, j'essaie juste, on va dire, d'établir une certaine grammaire de la réalité virtuelle, quoi. Et après, la façon dont on va utiliser les outils, je pense que je manque de temps et peut-être aussi de compétences pour l'expliquer, quoi. Pour essayer de reformuler ce que tu as dit aux auditeurs et peut-être apporter un autre éclairage, en fait, au-delà de enfin, même en complément de la notion d'avatar, je dirais c'est la notion d'incarnation. On a cité le jeu de go, le jeu d'échecs où il y a une incarnation à travers les pions. Mais par exemple sur un mono, enfin non, Monopoly, il y a encore une incarnation sur le pion. Mais un jeu par exemple de gestion, les Sims par exemple, les Sims ou SimCity, plus SimCity que les Sims, il n'y a pas vraiment d'incarnation du joueur ou de la joueuse. Et c'est peut-être ça ce que tu pointes, c'est que pour avoir une expérience entre guillemets optimale de réalité virtuelle, il faut une incarnation. Bah, parce que déjà, l'incarnation, c'est un élément du réel, en fait. Plus tu importes d'éléments du réel dans le jeu, plus tu as l'impression de réalité virtuelle. Et c'est évidemment que dans le réel, le monde, on l'entrevoit par le biais de notre personne. Et une réalité virtuelle, elle est centrée autour de l'avatar. C'est-à-dire que, mettons, je te fais jouer un jeu vidéo, tu explores une maison hantée. La prochaine pièce, elle n'a pas besoin d'exister tant que tu ne vas pas dedans, en fait. De même que tout ce qu'il y a en dehors de la maison hantée, n'a pas besoin d'exister, en fait. La seule chose qui a besoin d'exister, c'est ce qui est autour du personnage, ou en tout cas dans son champ de perception, quoi. Tout le reste peut être soit calculé au fur et à mesure, soit carrément ignoré si on sait qu'il n'y a aucune chance que le personnage ne s'y rende. Et donc, du coup, on voit que ben, la façon dont est géré l'avatar va vraiment impacter la façon dont on conçoit la réalité virtuelle, quoi. Et on voit du coup les axes pour les game designers, où voilà, on va peut-être pas créer un système, un monde entier, on va créer un monde centré autour de ces avatars, de ces incarnations des joueurs, si je suis ta logique en tout cas. Tout à fait, ouais. Alors, est-ce que tu as d'autres axes comme ça de réflexion, d'outils peut-être pour les game designers ou les amateurs éclairés qui nous écoutent? Mm-hmm. Juste pour finir, cette notion d'avatar, surtout quand on a des réalités virtuelles multijoueurs, ça permet en fait d'apporter aussi un jeu un petit peu méta. Je vais prendre un petit exemple, j'avais une campagne de l'appel de Cthulhu par forum, et en fait, en tant que j'étais le maître de jeu, et en fait, je m'étais créé des faux... c'était une campagne où il y avait des sosies des personnages joueurs qui circulaient en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des créatures qui prenaient l'aspect de certains personnages joueurs. Et bref, il y avait des imposteurs. Et je m'étais créé des faux alias de joueurs, en fait, qui étaient des copies des personnages, quoi. En fait, c'est-à-dire que je créais une adresse mail qui était la même que celle d'un personnage, avec peut-être un point ou une virgule de différence, quoi. Et comme ça, en fait, je m'en servais, entre guillemets, pour faire croire. Du coup, il y avait des joueurs qui avaient des interactions assez longues avec un personnage qui pensait être le personnage d'un autre joueur. Et en fait, il se faisait abuser par un imposteur, quoi, par un bot, quoi. Et donc oui, donc ouais, là, c'est une réincarnation biaisée, quoi. Non, je sais pas comment décrire ça. Mais... Ouais, voilà. Et donc la droite ligne de l'avatar, en fait, c'est le rapport entre la réalité virtuelle et le corps. Dans le sens où finalement, est-ce que on pourrait pas utiliser notre corps comme avatar? Et donc donc il y a des jeux qui mettent vraiment des réalités virtuelles qui mettent beaucoup le corps en jeu, quoi. Donc le Grandeur Nature, le Troll Ball, hein. Le Troll Ball, en fait, c'est une sorte de Blood Bowl, c'est une sorte de jeu de rugby mais avec des armes en mousse, hein, pour faire simple. La Wii va évidemment mettre le corps en jeu, aussi la Kinect, des jeux comme Just Dance. Alors, le jeu de rôle, on va se dire, le jeu de rôle, on est vraiment uniquement dans l'imaginaire, ça ne met pas le corps en jeu. J'aurais quelques... Je pense que ça le met quand même pas mal. Y aura des moments de roleplay théâtral où tu vas te lever de table et puis faire vraiment la gestuelle de ton personnage. Y a par exemple dans les jeux d'horreur, si je me mets à crier pour faire sursauter une joueuse ou un joueur, tu vois, en fait, je mets en jeu le corps, quoi. Évidemment, le degré zéro de la mise en jeu du corps, c'est Neo dans sa cuve, hein, dans le film The Matrix, quoi, où en fait son corps est complètement inconscient, son corps ne fait rien et tout se passe dans son cerveau, quoi. Donc ouais, pour amplifier l'immersion, ouais, peut-être adapter. Tu parlais de crier, moi je pensais à cet exemple de Thomas B qui disait voilà, on peut jouer sur la température, hein, jouer avec le chauffage pour immerger plus ou moins les joueurs. Donc créer une interaction avec le corps. Quelle est la palette justement d'interaction dont on peut se servir pour créer cette sensation d'immersion? Parce qu'on a parlé donc le son. Là j'ai parlé de la température. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme piste? J'en avais une qui était rigolote, c'était la nourriture. C'est un scénario pour Sombre de Vincent Mathieu où tu joues pendant le bombardement en Angleterre, c'est des personnes qui se réfugient dans une cave et qui doivent durer de rester de longues heures et qui se retrouvent vraiment affamées. Et en fait, le maître de jeu retire au début de la partie, il a posé plein de bouffe. Il confisque aux joueurs la nourriture qu'ils ont amenée. Donc pendant les premières heures de jeu, ils ne peuvent rien manger. Et en fait, à un moment du scénario, les personnages découvrent une pièce secrète dans la cave où ils sont réfugiés, où il y a du saucisson. Et donc, et à ce moment-là, le maître de jeu, sort de la charcuterie de son frigo. Et du coup, c'est open bar, c'est-à-dire que les personnages mangent et les joueurs vont évidemment aussi se précipiter sur la charcuterie. Bon, je suis vegan, donc je mettrais plutôt la charcuterie vegan en ce qui me concerne. Mais et en fait, le twist du scénario, c'est que il s'avère que la viande que mangent les personnages, c'est de la viande humaine, quoi. Est-ce qu'on n'est pas à ce niveau-là dans une forme de virtualité augmentée dans la mesure où on amène du réel à un univers et un récit fictionnel pour générer des effets? C'est un peu l'inverse quelque part de Pokémon Go, c'est-à-dire qu'on ne met pas des objets virtuels dans un univers réel, mais on met des objets réels dans un univers virtuel pour renforcer comment dire, l'implication dans le récit, que ce soit avec du saucisson ou, exemple classique, pour le GN, les costumes rentrent dans ce cadre-là, ou pour les rôlistes, un exemple classique, c'est le fait d'utiliser des bougies ou de jouer avec la luminosité, ce genre de choses. Mais tout à fait. Mais bon, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est utile, en fait, de faire la... De voir qui vient en premier, de l'œuf ou de la poule. Alors, sur la mise en jeu du corps, j'avais noté des choses, en fait. Il y a divers niveaux de mise en jeu, quoi. Le plus faible, entre guillemets, c'est la mise en jeu vraiment symbolique. Par exemple, dans les soirées enquêtes, on joue des personnages qui discutent, et en fait, la seule mise en jeu du corps, c'est que tu te trimbales dans ton costume et tu parles avec les autres joueurs, quoi. Et tu grignotes l'apéro qui est disposé là, comme si ton personnage était en train de grignoter. Mais souvent dans les soirées enquêtes, il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de mise en jeu du corps. La dernière soirée enquête que j'ai faite, nos personnages étaient censés combattre ou tir. Et en fait, on a fait un exercice de tir sur cible au début de la partie pour évaluer le niveau de tir de chaque personnage. Et quand il a fallu que nos personnages se tirent vraiment dessus, et ben c'est le maître de jeu qui a raconté ce qui se passait. En fait, on n'a pas du tout joué la scène, quoi. Il y a des jeux où en fait on a une mise en jeu du corps quand même nettement plus intense, mais qui est quand même dans un cadre un peu sécurisé, j'ai envie de dire, c'est un peu le cas du sport, quoi. Où on essaye quand même si on va vraiment en jeu son corps, on essaye que ça reste d'éviter tout ce qui est blessure, quoi, notamment en sanctionnant les fautes qui peuvent causer des blessures ou en faisant des arrêts de jeu, et ainsi de suite. Et puis on va avoir des jeux où, dans des expériences beaucoup plus immersives, où là il y aura une mise en jeu du corps où on prend vraiment des risques. Par exemple, c'est le cas des GN, et je pense surtout aux GN à armes réelles, par exemple. Ça existe en Russie. Hein. Alors après, je sais pas à quel point elles sont réelles, j'espère au moins qu'elles sont émoussées, quoi. Mais bon, ils se battent quand même à armes réelles, hein, donc il y a quand même assez souvent des blessés dans ce genre d'événement, quoi. Où il y a une mise en jeu du corps, notamment avec des rapports sexuels, quoi. Thomas B. en parlait un petit peu. Il y a certains jeux de rôle grandeur nature où en fait, quand les personnages dans le jeu font l'amour, les joueurs le font aussi en vrai, quoi. Ou des jeux érotiques comme romance érotique où en fait tes personnages sont censés avoir une relation sexuelle, mais en fait les joueurs vont aussi l'avoir, quoi. Romance érotique, le jeu est quand même conçu comme étant un jeu de préliminaire. Donc si, je pense. Même si c'est un peu à rebours, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que la relation sexuelle, elle vient une fois qu'on a fini le jeu. Et dans les jeunes avec relation sexuelle, il me semble que c'est évidemment jamais obligé. C'est uniquement si les personnes estiment que là ce serait bien de passer à l'axe. Effectivement, tu peux, y a plein de systèmes comme par exemple juste se toucher les bras pour symboliquement expliquer qu'il y a une relation sexuelle, tu vois, donc tu peux graduer, quoi. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse en lien avec le podcast précédent, c'était dans la réalité virtuelle, que en tout cas la vision que tu proposes, comment on triche, même si c'est évidemment pas forcément souhaitable, mais tu faisais référence tout à l'heure à des arrêts de jeu quand il y a des blessures, etc. Quelle est la limite du tolérable, en fait, dans ces jeux-là? Et je pense que la triche est un... Et quelque chose d'intolérable en général. Ça, la limite du tolérable, c'est les concepteurs c'est à la fois les concepteurs qui doivent la délimiter, quoi, et puis aussi évidemment les joueurs, quoi. C'est-à-dire que si je te dis, tiens, on va jouer à Rollerball où tu peux mourir pour de vrai, je te coupe. Enfin bon, tu peux refuser, quoi. Tu peux refuser d'y jouer, quoi. Heureusement, non mais Adrien se renseigne parce que il adore tricher et du coup il voulait savoir un peu par quelle boule prendre. Donc là, on est encore dans les outils de game design ou si on est déjà rentré dans des pratiques de joueurs. Encore une fois, je vois pas pourquoi entre les outils et les game design et les pratiques, il y a un continuum, quoi. De toute façon, l'un devient l'autre au fur et à mesure des nouveaux jeux, donc c'est pareil, je vais avoir du mal à délimiter les deux, quoi. Ouais, mais en gros, c'est entre un constat de pratique actuelle et des pistes de potentialité pour créer des jeux. La vraie leçon de tout ça, c'est que la mise en jeu du corps, c'est un des paramètres pour augmenter ta sensation de réalité virtuelle. Donc, plus tu veux que ta réalité virtuelle elle soit réaliste, plus tu vas jouer sur la mise en jeu du corps, par exemple. Alors, effectivement, on parlait de sécurité, on peut jouer avec la synchronicité, c'est-à-dire que, comme on veut que ce soit un jeu, qu'on veut qu'il y ait une certaine sécurité, eh bien, on va, entre guillemets, effectivement mettre en jeu le corps, mais l'idée, c'est que ce que le personnage ressent, comme sensation corporelle, le joueur, il va le ressentir, mais de façon très atténuée. Donc, par exemple, la manette vibrante dans les jeux vidéo, ou les armes en mousse dans les GN, quoi. C'est-à-dire que tu as un feedback, tu frappes ton adversaire, tu sens que tu le touches, quoi, par le... Et puis si tu te fais frapper, tu sens un coup, mais c'est très très atténué vu que les armes sont en mousse, quoi. Ah non, t'as répondu effectivement à la question que j'avais posée, c'était ouais, comment on trouve une limite entre ce que je disais tout à l'heure, l'intolérable, voilà, se prendre une épée dans la tronche, si elle est aiguisée, je pense que c'est quand même pas très agréable, et ce qui devient un élément de jeu, c'est-à-dire le feedback de « Ah, je me suis fait toucher par une épée en mousse, j'ai perdu un point de vie, ou alors j'ai perdu un bras fictif », ce genre de choses, quoi. Ouais, on cherche la synchronicité, c'est-à-dire rapprocher les sensations corporelles du personnage de celles de la joueuse. Et évidemment, selon les thématiques du jeu, il va falloir qu'on fasse des tampons, qu'on atténue les sensations corporelles de la joueuse quand même, quoi. Donc il y a le corps, mais il y a aussi l'esprit, sans mauvais, voilà, le corps et l'esprit. Mais c'est-à-dire que, par exemple, en jeu de rôle, avoir un MJ qui te dit « Alors oui, alors là, il faut que tu tires un D6 pour déclencher un super combo qui te rapporte de l'XP ou je sais pas quoi. » Moi, perso, ça me gonfle hein, quand je joue, mais ça, c'est mon opinion. Mais je sais que c'est parce que ça me sort du jeu, justement. Je préfère une expérience fluide. Et est-ce que c'est pas une limite aussi à la réalité virtuelle où il faut savoir trouver le bon dosage entre l'aspect mind game, méta, on appelle ça comme on veut? Ouais, en fait, on va y revenir. C'est la notion de solidité du jeu, quoi. De solidité de la réalité virtuelle, c'est... Et de coulisses, c'est-à-dire qu'effectivement, à quel point le game... En fait, plus le gameplay est visible... plus tu peux perdre effectivement de sensations en réalité virtuelle. Donc à quel point on va intégrer le gameplay vraiment à la réalité virtuelle et à quel point le gameplay va non pas disparaître mais fusionner avec la réalité virtuelle, quoi. Donc par exemple en jeu de rôle, pour prendre ton exemple, plutôt que de parler de points de dommage, on peut être entièrement narratif, en fait. Se dire, ton personnage est blessé et tout. Il y a des jeux de rôle où, en fait, les règles n'incluent aucun chiffre, aucun dé, aucun hasard. Et c'est uniquement de la conversation pour que, justement, t'es pas les chiffres qui viennent interagir, quoi. Tout comme il y a des moments où on va faire confiance à la capacité de la joueuse à, entre guillemets, à intégrer l'abstraction dans sa conception du monde. On va faire confiance à sa capacité à croire. Et du coup, comme on lui fait confiance, on peut se permettre d'introduire, de montrer les coulisses sans que la personne soit sortie du jeu. Par exemple, Jérôme Larry, il expliquait le personnage, il a une carabine à 8D6. C'est vrai qu'on sort complètement de la fiction, mais en même temps, c'est très clair sur la capacité de dommage que peut faire cette carabine. Et finalement, ça permet de faire l'impasse d'une grosse description et d'amener quand même un effet intéressant, quoi. Alors, je reviens parce que Victor veut dormir que dans mes bras, en fait. Oh, bah oui. Hop. Bah, on y retourne, alors. Alors, ça m'a amené à mon point suivant, justement, qui était, il y a cette notion d'esprit, il y a aussi la notion de collectif. C'est-à-dire que il y a des réalités virtuelles où tu vas jouer tout seul, par exemple les jeux dont vous êtes le héros, et puis il y en a, tu vas jouer en fait à plusieurs, et la notion de collectif, en fait, peut augmenter la sensation de réalité virtuelle. Je prends l'exemple du jeu en ligne EVE Online, il y a 500 000 de personnes à jouer sur le même serveur. Et le record de connexion simultanée, ça a été de 65 000. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le jeu, il y a eu 65 000 joueurs connectés en même temps. Et en fait, ça va créer une impression d'abondance qui va vraiment te dire « Ouais, je suis dans une réalité virtuelle profonde. » Parce qu'en fait, les autres joueurs, quelque part, ils font partie de ton décor virtuel, quoi. C'est aussi des éléments du jeu, quoi, pour toi. Sauf que ça m'amène à un point, en fait, c'est est-ce que... Il y a des réalités virtuelles partagées et des réalités virtuelles uniques. C'est-à-dire qu'en jeu de rôle, par exemple, chaque joueur possède un imaginaire intime qui est unique. C'est-à-dire que si le maître de jeu il te décrit un dragon, toi, tu vas imaginer que le dragon il est telle couleur, que tu es à telle distance de lui, que les autres personnages ils sont positionnés de telle façon... Et puis, le joueur à ta droite, il va peut-être imaginer une scène complètement différente. Peut-être que le dragon, il aura une autre couleur, le placement sera différent, enfin, le climat va être différent, tout ça. Donc, en fait, en jeu de rôle, il n'y a pas de... C'est plusieurs réalités virtuelles qui cohabitent, hein, et qui dialoguent, évidemment, qui s'actualisent les unes les autres. Mais n'empêche que si on pouvait avoir l'image casque de... Si on pouvait avoir l'image mentale de chaque joueuse, on aurait des images différentes. Et surtout, elles sont dans des mondes différents, en fait. Ce qui crée aussi cette notion de... Alors, parce qu'en fait, pourquoi je parle de ça ? C'est que plus la réalité virtuelle est partagée, plus elle est forte, quoi. Par exemple, dans les jeux de rôle, il y a des jeux avec des univers émergents. J'ai un jeu qui s'appelle Influenza, c'est du forestier post-apocalyptique, pour faire simple, le monde. Et d'une table sur l'autre, le monde va être complètement différent. Il n'y aura pas du tout les mêmes choses dedans, les mêmes intrigues, tout ça. Tandis qu'il y a des univers qui sont prescrits. C'est-à-dire que un jeu de rôle comme La Légende des Cinq Anneaux, t'as une carte du monde, t'as une liste de tous les clans, t'as toute l'histoire du monde sur des centaines d'années, t'as un bestiaire, t'as toute une imagerie aussi, et en fait, du coup, ça crée la sensation que d'une table sur l'autre, on joue dans le même monde. Bon, c'est une sensation, évidemment, hein. Mais ça crée... En fait, on a l'impression que Rokugan existe vraiment parce que, on est des milliers de joueuses à jouer dans Rokugan, et Rokugan a à peu près la même tête d'une table sur l'autre, quoi. Rokugan, c'est le monde des gens des cinq anneaux. Et oui, effectivement, tu fais référence au niveau de détail que peuvent proposer certains jeux pour justement que cette actualisation... puisque tu emploies le terme, soit le plus proche entre les joueurs. C'est ça que je comprends, c'est ça ? Niveau de détail qui soit les mêmes d'une partie sur l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'un monde émergent, c'est-à-dire inventé par les joueuses, il peut être très, très détaillé, mais il va être complètement différent d'une table sur l'autre. Donc là, oui, tu expliques, là, tu décrivais cette volonté de que ces réalités virtuelles et du coup alternatives se rejoignent en un point. Qui est en fait l'état actuel du jeu, enfin de la partie plus exactement. Enfin moi je fais le parallèle par rapport au jeu de tir compétitif où on a des vrais problèmes entre la latence des machines, des serveurs dans lesquels se déroule le jeu et en fait l'arbitrage se fait au niveau du serveur parce que en gros, enfin pour expliquer un peu en détail, et je pense que ça illustre bien ce que tu racontes, c'est que chaque joueur, imaginons un qui est à Paris, un autre qui est à Istanbul, par exemple, vous fait un tir, mais la latence fait qu'ils n'ont pas le même état du jeu, chacun dans leur machine, et c'est le serveur central qui va départager et rediriger, faire un feedback, justement, vers chacun de ses joueurs. Sur la notion de serveur, juste un petit mot. Ouais. Tu vois, dans le jeu World of Warcraft, en fait, il y a, je sais pas combien il y a de serveurs, mais il y en a pas mal, quoi. Et du coup, en fait, si t'es sur le serveur A, t'es pas dans le même monde que le serveur B, en fait. Il se passe pas la même chose parce que t'as pas les mêmes t'as plus de 5 ans parce qu'il y a pas les mêmes joueurs quoi. Et c'est ce que justement c'est pour ça que EVE Online ils ont choisi d'avoir un seul serveur pour donner en fait pour donner l'impression vraiment d'un monde unique. Mais en réalité ils en ont deux parce qu'ils ont pour la Chine ils ont un autre serveur comme la Chine se mélange pas trop au reste du monde en termes d'internet. Il y a ça et dans le jeu de rôle on retrouve un truc assez intéressant. C'est il y a les versions avec ou sans add-on. Par exemple il y a quelques mois des fans de World of Warcraft avaient monté un serveur dit Vanilla, donc un serveur qui était en même état qu'au tout début de World of Warcraft et qui donc apportait une certaine sensation de jeu que n'ont plus les joueurs actuels. Et on retrouve ça dans le jeu de rôle papier. Voilà, et de facto, ils sont dans des mondes différents. Et plus, en fait, plus le monde est consistant d'une table à l'autre, ou d'une partie à l'autre, plus on a l'impression qu'il est réel, quoi. Alors, sur cette impression de réel, justement, je voulais m'arrêter un petit peu sur justement le fait de consentir à croire. Donc ça, il y a Coleridge, en fait, ce qui est... je crois que c'était un romancier, enfin en tout cas c'est une théorie en littérature, c'est la théorie de la suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire que pour que l'expérience de lire un roman fonctionne, il faut que, il faut que le lecteur ou la lectrice, évidemment si la lectrice lit par exemple Frankenstein de Mary Shelley, elle se doute bien que ça n'existe pas, les monstres, les assemblages de cadavres réanimés par l'électricité. Mais dans le cas de sa lecture, elle va accepter d'y croire pour pouvoir accéder à l'émotion, quoi. Et c'est aussi ce qu'on cherche à avoir en réalité virtuelle. C'est-à-dire, bon, moi j'ai un peu résumé en ce que la suspension consentie d'incrédulité, c'est assez imbitable comme expression. Donc tout simplement, c'est accepter de croire, quoi. Et l'idée, c'est que si on se dit, ouais, c'est réel, ça se passe maintenant. Alors comment font les concepteurs pour que pour un petit peu aider la bonne volonté de la joueuse? Eh bien, on va se baser sur le fait que le cerveau nous illusionne et sur les défauts du cerveau. Par exemple, en réalité, notre œil il voit en basse résolution. C'est-à-dire que si on mettait des électrodes sur les cellules rétiniennes et qu'on reconstituait l'image, on aurait une image en assez basse résolution. Et en fait, c'est le cerveau qui reconstitue une image en haute résolution. Donc, en fait, notre cerveau est capable d'améliorer la qualité du signal qu'on reçoit. Améliorer, bon, bah, du coup, évidemment, il peut se tromper, hein. Par exemple, il y a des illusions, à ce qui paraît... Malheureusement, je ne peux pas vous retrouver la référence, mais si dans une salle de restaurant où tu vas souvent, tu connais bien les lieux et tout, si je mets au milieu du restaurant une personne ou un objet qui est complètement insolite, eh ben tu vas pas la voir parce que c'est trop différent de l'image que ton cerveau se fait habituellement des lieux, quoi. Donc tout d'un coup, il y a un clown qui rentre dans le restaurant, tu vas peut-être pas le voir. Il paraît aussi que si tu rentres dans un bâtiment en ayant l'air de... il paraîtrait que tu pourrais rentrer dans n'importe quel bâtiment du moment que tu as l'air exactement à ta place, de savoir exactement où tu vas, quoi. Est-ce que ça rapprochait du fait que, suivant ses centres d'intérêt, quand on se promène dans une ville, on va repérer plus ou moins, enfin, on va voir, en gros, les bâtiments qui nous intéressent. Je prends mon cas personnel, je repère facilement les librairies, et par contre, les magasins de fringues, je ne mémorise pas où ils se trouvent, et effectivement, c'est pas que je les vois pas, mais ils passent à travers ma tête, quoi. Bah, ton cerveau, ouais, ton cerveau sélectionne, ça peut peut-être dire aussi que dans une partie de jeu de rôle, tu vas te concentrer sur l'image qu'il y a sur l'écran, sur ce qu'il y a sur ta feuille de personnage, et sur ce que racontent les joueuses, et tu vas arrêter de faire attention au fait qu'on joue dans une cuisine, quoi. Et est-ce qu'à l'intérieur même du jeu, c'est des choses qui peuvent fonctionner? Est-ce que... ton avis le jeu vidéo par exemple, le jeu vidéo, c'est du cinéma en fait. C'est 24 images par seconde. On t'envoie pas une... La réalité, c'est une infinité d'images par seconde, on est d'accord. Alors en jeu vidéo, je crois que c'est pas tout à fait comme ça. Je vois Adrien qui a les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Je vais lui passer la main tout de suite. Non, dans le jeu vidéo, en fait, alors justement, maintenant, ça devient un peu la guerre des frames par seconde, des images par seconde, parce que en fait, chaque image est une actualisation du jeu et du coup est un potentiel d'interaction. Donc plus un jeu va avoir de frames par seconde, donc je crois que le maximum actuellement c'est Doom avec 120 sur une config un peu costaud. Donc ça fait 120 images par seconde dans lesquelles on peut interagir. Et c'est pour ça que ouais, les joueurs maintenant se plaignent beaucoup dès qu'un jeu n'est pas assez rapide, ne se rafraîchit pas assez rapidement. Et du coup, la crédulité va dépendre de ce rythme d'actualisation. Il y a quelque chose de très... Alors certes, il y a une illusion de mouvement hein, qui est bien en dessous, mais en fait, c'est pour voir la différence entre quelque chose qui est entre 30 images par seconde et 60 images par seconde, ça ne se voit pas, par contre, ça se ressent à la manette en main. Pour conclure un peu cette petite okay. parenthèse. Voilà. Et donc la bataille pour la crédulité consentie entre guillemets, c'est la bataille pour l'immersion quoi. C'est-à-dire qu'on va créer une réalité virtuelle comme une construction à la fois sociale et cognitive. Et notamment des fois l'impression de réalité virtuelle, ça vient après coup quand on fait le récit en fait. C'est-à-dire une expérience de réalité virtuelle, c'est une expérience dont on peut faire le récit. Et donc, je pense qu'on a tous connu quelqu'un qui nous racontait une partie de jeu de rôle, de MMO ou de n'importe quel autre jeu, comme si c'était une aventure qu'elle avait vraiment vécue, quoi. Alors, on peut se poser la question si, en fait, notre capacité à accepter la réalité virtuelle, c'est dû à notre habitude, notamment parce que les réalités virtuelles en SF, ça existe depuis 1935. Bon, ça a été popularisé dans les années 80. Enfin, grosso modo, nous, personnes du 20e, 21e siècle, on était particulièrement bien équipés culturellement pour accepter les réalités virtuelles. Et est-ce que ça aurait pu marcher, en fait, dans l'Antiquité? Est-ce que si je mettais un casque de réalité virtuelle à une personne de l'Antiquité, est-ce que ça aurait pu marcher sur elle? C'est une question, quoi. J'ai envie de dire, est-ce que le rêve n'est pas quelque part quelque chose qui donne une impression de réalité virtuelle, je sais pas, je pose une question. Ah, c'est pas mal, je trouve ça bien vu. Ouais. Parce que en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui existait depuis l'Antiquité. Certains y voyaient des prémonitions ou des messages des dieux. Il y a la caverne de Platon, hein, bien sûr. Ouais, hein. Oui, en plus. Ouais. Alors, donc l'idée, c'est qu'on va essayer de provoquer l'immersion. Ouais. À ceci près, quand même, parce que tu parlais du rêve, pour le coup, dans ce que tu as cité, Thomas, dans les axiomes qui faisaient jeu, il y avait quand même l'idée qu'on a conscience qu'il s'agit d'une réalité virtuelle. Le rêveur n'a pas nécessairement conscience qu'il est en train de rêver. Mais il y a le rêve lucide. Les rêves lucides, les expériences de pensée aussi, évidemment. Je pense que ce qui est important pour comprendre l'immersion, c'est qu'en fait, il y en a plusieurs. Et chaque jeu va avoir des stratégies différentes et va viser à un certain type d'immersion différente. Alors, par exemple, il y a l'immersion dans l'univers et il y a l'immersion dans le personnage. Et je prends un jeu qui concilie les deux, c'est le Killer. T'es censé jouer à un espion, donc immersion dans le personnage, bah, c'est assez facile puisque ton personnage, c'est toi. Et il y a une immersion dans l'univers parce qu'en fait, la réalité du jeu, c'est la vraie réalité habituelle, quoi. Mettons, on est dans une école d'ingénieurs, on fait un killer, et ben le décor du killer, bah, c'est ton école, et puis les tueurs qui s'opposent à toi, c'est tout simplement tes petits camarades de classe, quoi, qui vont essayer de mettre du poivre dans ta purée ou de entre guillemets de pointer un culot de bouteille dans ton dos pour dire bah je t'ai tué, quoi. Là, on est sur un cas qui est assez facile dans l'incarnation. Puisque bah, tu dis le killer, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres exemples où on incarne entre guillemets un corps étranger? Parce que par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est de petite taille qui incarne un basketteur, quels artifices on va utiliser pour le faire ressentir cette grandeur? Par exemple, dans les jeux de rôle, on utilise ça par les compétences. C'est-à-dire qu'on va on va paramétrer ton personnage avec des paramètres qui n'ont rien à voir avec tes capacités actuelles, quoi. Donc ça peut être le basketteur, il aura une compétence saut, tu vois, qui sera très élevée. Alors même si le personnage, est petit, quoi. En jeu vidéo, c'est aussi ce qu'on fait, c'est qu'on va doter ton avatar de paramètres que toi tu n'as pas, quoi. en jeu de rôle en soirée enquête. Mettons par exemple, je suis dans une soirée enquête, je suis censé jouer un tueur ultra entraîné. Eh bien, si à un moment on déclare un combat avec un autre joueur, eh bien, le maître de jeu va tout simplement déclarer que je gagne le combat à plate couture, quoi. Mais là, par exemple, du coup aussi, la simulation elle va peut-être fonctionner si tout le monde y met du sien. C'est-à-dire que si la personne, si on mettons, on en sort en code, on simule un combat, moi c'est précisé que je suis vraiment un tueur au corps à corps. Eh ben, ce qui serait pas mal, c'est que la joueuse en face, elle fasse exprès de mimer quelqu'un qui se fait vraiment rosser, quoi. Là, et du coup, l'immersion serait. Du coup, on a vraiment plus l'impression d'être vraiment très fort au corps à corps, tout simplement parce que la personne en face de toi, elle donne le change, quoi. Alors, très rapidement sur les immersions, je voulais en décliner plusieurs sortes, sans expliquer ce que c'était, mais pour montrer qu'il y en avait plusieurs. Alors, il y a des bouquins, il y a des articles sur l'immersion, par exemple, qui disent qu'il y a l'immersion dans l'activité, l'immersion dans le jeu, l'immersion dans l'environnement, l'immersion dans la narration, dans le personnage et dans la communauté. Alors, on parlait de EVE Online, par exemple, je pense que l'immersion dans la communauté joue vraiment. Sinon, j'avais trouvé immersion sensorimotrice, immersion cognitive, émotionnelle, spatiale, psychologique, sensorielle. J'avais fait un podcast avec les voix d'Altarit sur l'immersion et j'avais une hypothèse selon laquelle l'immersion fonctionnait d'autant plus que ton cerveau était saturé d'informations virtuelles. C'est-à-dire que plus je t'envoie d'informations, plus tu vas croire au monde, quoi. Sachant que il y a toujours la question de est-ce qu'on envoie des informations qui sont ce que j'appelle intradiégétiques, c'est-à-dire qui appartiennent vraiment au monde virtuel, ou est-ce qu'on se permet des choses qui sont un petit peu méta, mais qui renforcent le truc. Par exemple, dans un jeu vidéo, tu joues dans un jeu vidéo de maison hantée. Si je mets une musique angoissante, tu vas dire ça renforce ton immersion. Mais ça va pas fonctionner avec tout le monde, parce qu'en réalité, dans la maison hantée, il n'y a pas vraiment de musique. Alors, il y en a qui prennent le pari de dire si on met de la musique, il faut forcément qu'elle soit intradiégétique. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un fantôme qui va jouer du clavecin, ou alors on va jouer uniquement sur des bruits. Et en fait, les bruits qu'on entend, par exemple des bruits de chaîne ou des bruits de pluie, et c'est vraiment les bruits du monde, quoi. D'accord. Finalement, là, on se rapproche de la réalité virtuelle telle que on l'entend dans le grand public, puisque finalement, la différence forte entre un casque de VR et un écran, c'est qu'avec le casque de VR, on envoie beaucoup plus d'informations simultanément, puisqu'on envoie tout le pourtour et pas seulement une fenêtre, quoi. Oui, tout à fait. Puis en plus, ça crée, tout à fait. Et puis ça augmente l'impression de champ contre champ, hein, qu'on avait défini comme étant assez importante pour l'immersion. Et justement, en fait, ce qu'on va chercher, la réalité virtuelle, je lui donne deux paramètres, c'est la solidité et la consistance. Alors, une réalité virtuelle qui est solide, c'est que elle donne vraiment bien une réalité virtuelle solide, c'est que elle donne vraiment une grosse impression de réel. Je vais donner des exemples parce que sinon. Par exemple, si dans mon jeu de vidéo Maison Hantée, si j'ouvre une porte et que derrière c'est l'écran bleu, j'ai une réalité virtuelle qui est fragile. C'est-à-dire qu'il y a certains espaces qui n'ont pas été mappés. Et du coup, on se rend compte qu'on est dans un jeu parce qu'il manque des choses, quoi. Il faudrait que, quelle que soit la porte que j'ouvre, il y ait toujours quelque chose derrière pour que le jeu soit solide. L'idée c'est de délimiter le jeu. Le mieux c'est quand les frontières du jeu correspondent aux frontières du personnage. Par exemple, toujours mon jeu vidéo de maison hantée. Si je sors de la maison hantée et que dehors c'est l'écran bleu, ça va pas le faire, quoi. Peut-être que le concepteur a mis un écran bleu parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans la maison hantée. Mais dans ces cas-là, le mieux ce serait de dire, tout a été muré, c'est-à-dire les portes et les fenêtres de la maison hantée ont été murées, et donc tu peux pas sortir de la maison hantée, tu peux pas voir ce qu'il y a dehors, et du coup, le monde du jeu est vraiment confondu avec le monde de tes perceptions. Donc il y avait solide, et l'autre adjectif, je l'avais plus. Ouais, alors juste, je finis une chose sur la solidité, c'est la consistance. L'idée, c'est en gros, en fait, pour faire simple avec solidité, c'est qu'il faut masquer les coulisses. On avait parlé effectivement du maître de jeu en jeu de rôle qui employait des termes, des mathématiques pour. Il faut masquer les coulisses. Par exemple, dans le jeu vidéo Baldur's Gate, on va enlever l'affiche. Tu peux afficher les scores des jets de dés des personnages. Ben, on va masquer ça pour plus de solidité. Et par exemple. En jeu de rôle, on peut appliquer quelque chose qui vient du chamanisme. C'est le chaman, en fait, pour faire croire qu'il est possédé par les esprits, il va faire aucun commentaire sur ce qui se passe. Quand il est possédé par un esprit, par exemple un esprit farceur, il va faire plein de farces et il va jamais sortir de son personnage. Il va jamais faire des commentaires en tant que chaman. Le chaman a complètement disparu. Il n'y a plus que l'esprit farceur. Eh bien, en jeu de rôle, c'est pareil. L'idée, c'est que le maître de jeu quand il joue ses personnages, ses figurants, il joue entièrement ses figurants. Il ne va pas faire de commentaires sur ce qui se passe. Parce que tout commentaire va un petit peu casser la solidité du jeu, quoi. Et donc, la consistance, c'est l'idée que, justement, il faudrait que le jeu soit vivant, même en dehors du champ de perception et d'action du personnage. Donc, c'est... l'idée qu'en termes de fiction, il se passe beaucoup de choses, par exemple dans une partie de jeu de rôle, ou même en dehors de l'aventure, il se passait beaucoup de choses. Par exemple, dans le jeu vidéo Baldur's Gate, tu vas trouver des bouquins qui te racontent l'histoire des royaumes oubliés. Ça sert absolument à rien dans le jeu. Hein. Mais du coup, tu as vraiment l'impression que les royaumes oubliés, c'est un truc vaste, il s'est passé plein de trucs. Bref, ça donne l'impression que ça existe. C'est L5R avec sa timeline de plusieurs centaines d'années va aussi jouer là-dessus. Dans GTA, il y a plein de mobs qui se déplacent dans les rues qui servent absolument à rien, mais ils sont là pour donner une impression de réel, quoi. Il n'y a pas que les donneurs de mission et les adversaires qui existent dans la ville. Il y a aussi tous les passants, quoi. Je pondérerais peut-être cette proposition par. Alors, certes, ça ne sert à rien. Mais on n'oublie pas le potentiel d'interaction avec. Par exemple, GTA, on écrase un passant selon qu'il est habillé, je ne sais pas, en travailleur ou travailleuse du sexe ou qu'il soit sans abri, il a de l'argent. Oui, c'est une règle de GTA qui est complètement idiote, mais c'est comme ça. Je vois dans le dernier Zelda, ce qui est assez impressionnant, c'est que on a une hache, on a un arbre. Si on s'amuse à essayer de taper avec la hache dans l'arbre, eh ben, ça fait un tronc qui peut nous servir de pont, ça fait tomber des pommes, ça fait voler des oiseaux qu'on peut capturer. Et il y a, voilà, certes, ça ne sert à rien, enfin, ça peut ne servir à rien, mais il y a quand même une potentialité d'interaction qui rend l'immersion peut-être plus. Plus fort. Voilà, ça renforce deux choses qui sont importantes dans la vie virtuelle, c'est la cohérence et la crédibilité. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des vides et des pleins. C'est-à-dire que tout, dans une réalité virtuelle vraiment consistante, bah, comme tu dis, il y a des choses qui ne servent pas à grand-chose, mais qui sont là pour montrer qu'il y a de la vie, en fait. Par exemple, effectivement, dans Zelda sur Game Boy, tu pouvais... Si tu tapais sur la poule plein de fois, il y avait plein de poules qui arrivaient, qui tuaient. Ça sert à rien dans le jeu. Sauf que ça, c'est une petite histoire dans l'histoire où, enfin, l'idée, c'est que si tout est entre guillemets, si tout est lourd d'enjeux, eh bien, ça casse un peu l'impression de réel. Il faut qu'il y ait des choses un peu insignifiantes, un peu anecdotiques. De même que en jeu vidéo, il y a des moments où tu vas traverser tout un tas de zones où il ne se passe rien, quoi. Ton personnage va marcher pendant quelques temps sans qu'il ne se passe rien de précis. On arrive à un petit peu plus d'une heure de podcast. On se dirige tranquillement vers la fin. Une des questions, peut-être, avant de conclure, c'est quels sont les freins, en fait, à la réalité virtuelle, dans le sens où qu'est-ce qui va stopper, d'une part, l'expérience, ou qu'est-ce qui l'empêche de naître? C'est une question un peu compliquée, hein, je l'admets. Hein, Ouais, bah, j'en vois plusieurs et ça va me permettre de placer, entre guillemets, mes petits points que j'ai pas eu le temps de mettre. La première, c'est que ce qui est... Ce qui est compliqué à faire, c'est gérer le temps. C'est-à-dire que vraiment, faire du temps réel, c'est très compliqué à faire. Tu vois, en jeu de rôle, quand on fait un combat par round, on échoue à faire du temps réel. Les jeux vidéo en tour par tour aussi, on échoue à faire du temps réel pour apporter autre chose, quoi. Mais en réalité, il faudrait faire du temps réel. Mais ça pose divers problèmes techniques, quoi. Même en jeu de rôle, si on joue pas en round, tu fais jamais du temps réel, quoi. Le temps de l'aventure est jamais le temps qui se passe vraiment dans le jeu. Enfin, c'est assez rare. Hein. Il y a des expériences qui existent, chrono en main et tout. L'horloge du diable, je me demande s'il est pas. Non, il est pas en temps réel. Non, je crois pas. Voilà, la cohérence, hein, c'est la cohérence et la causalité, c'est vraiment des freins. C'est-à-dire que vraiment que toutes les, enfin. Que chaque chose ait une conséquence, bah ça implique des difficultés. Hein. Il y a des jeux d'ailleurs qui s'en passent. Dans Dragon Fall Motel, par exemple, il n'y a pas de cohérence une scène sur l'autre. En fait, on ne tient pas compte de ce qui s'est passé avant. La persistance aussi, c'est un autre frein en fait. C'est-à-dire que si tu joues sur une séance, bah, tu dis ouais, il y a vraiment l'effet cercle magique. C'est-à-dire que, bah, en fait, la réalité virtuelle a existé que le temps de ma séance. Et en fait, il faudrait que la réalité virtuelle, elle persiste dans le temps. Par exemple, tu fais plusieurs parties, les campagnes de jeux de rôle, quoi. Ou les campagnes de. Ou par exemple, quand tu arrêtes une partie de jeu de plateau, ce serait mieux, si, en cours de route, ce serait mieux que tu laisses le plateau posé sur la table pour le reprendre la fois d'après. Est-ce que de ce point de vue-là, les jeux de type Legacy qui commencent à faire florès en ce moment. Je pense à Pandémie Legacy, mais il y en a pas mal d'autres. On sont pas dans cette logique, c'est-à-dire un plateau, un jeu qui a été structurellement modifié par la partie et qu'on va retrouver structurellement modifié pour la partie d'après, même si on la reprend à zéro. Oui, de même que tu as les univers qui sont actualisés par les designers en fonction de ce que les joueurs ont fait, quoi. Tu penses à tout ce qui est univers type justement Légende des Cinq Anneaux Ouais, tout à fait. Au début, les premières campagnes de les mondes de Donjons et Dragons, les premiers mondes, ils étaient inspirés des campagnes que les gens jouaient à Donjons et Dragons, quoi. EVE Online, il y a vraiment une influence des. En fait, dans EVE Online, c'est pas compliqué. La timeline du jeu, en fait, c'est ce qui s'est passé en jeu, c'est ce que les joueurs ont fait. Ça, c'est l'effet serveur unique, donc on a une persistance vraiment énorme. Et on a le jeu permanent. C'est le Tamagotchi, c'est Pokémon Go, c'est le Killer, c'est un jeu de rôle comme Sens Exalogie où t'es censé faire des interparties et que t'es censé pouvoir tout le temps discuter du jeu. Bon, sauf que après, on a évidemment le problème du jeu permanent et entre guillemets son extrême, c'est le jeu invasif, quoi. Donc, faut toujours se poser la question, est-ce qu'on veut d'un jeu invasif? Et t'avais le podcast que t'avais fait avec Eric Viennot qui en parlait un petit peu avec In Memoriam. Ah, bien sûr, ouais. Et la dernière limite, c'est l'actionnabilité, c'est-à-dire si on veut vraiment que ce soit très actionnable, il y a des difficultés techniques qui se soulèvent, quoi. Donc le moins actionnable, c'est le cinéma, la littérature. Le plus actionnable, c'est j'ai mis le GN à armes réelles, quoi. Il y a des choses qui sont pas vraiment. Tu vois, tu prends un jeu vidéo, le QTE, Quick Time Event, c'est l'actionnabilité assez faible, quoi, en fait. Il y a des jeux où tu peux, plutôt que d'actionner, on va choisir de modifier la réalité virtuelle. Par exemple, Attrape-souris. Attrape-souris, en fait, les joueurs construisent un piège à souris tout au long de la partie, quoi. Et donc, c'est un petit peu le Minecraft version jeu de plateau, toute proportion gardée, bien sûr. C'est marrant, d'habitude, les gens font quand même plus référence au Lego pour Minecraft. Ouais, mais dans le sens où Attrape-souris, c'est intéressant parce que c'est un jeu de crafting, mais qui est vraiment du côté game et pas du côté play comme les Lego, quoi. Bon, et bien écoute, effectivement, on a passé l'heure et puis avec ces trois derniers points, on a pu voir un peu les limites, les frontières à explorer pour ces enjeux de réalité virtuelle. Cette saison sur Ludologie, on a une question, pas traditionnel, mais en tout cas habituel de fin d'épisode qu'on va te poser maintenant. Elle est assez simple. Est-ce que tu peux nous citer une expérience ludique qui t'a marqué? Alors, je vais citer un truc vraiment bateau, mais bon, c'est une petite Madeleine de Proust quand même. C'est avec mon cousin, quand j'avais environ 10 ans, on jouait à HeroQuest, hein, donc il y a un jeu de porte-monstre trésor. Hein, un jeu de plateau porte-monstre trésor, quoi, pour faire simple. Et une fois, en fait, comme de temps en temps, en fait, quand on se voyait, on jouait pas, mais il me racontait ses parties. Et il m'avait raconté comment il avait rajouté des règles pour gérer l'obscurité. C'est-à-dire, bah, en fait, dans le donjon est plongé dans les ténèbres. Et si tu il me disait, bah, si tu n'as pas de torche, tu vois rien. Enfin, tu connais juste le contour des couloirs, mais tu ne sais pas s'il y a des portes, s'il y a des pièges. Si un monstre qui arrive, bah, il peut t'attaquer sans que tu le vois arriver. Et je me rappelle avoir eu des frissons, en fait, quand il me racontait ça. J'avais vraiment l'impression de le vivre. Et puis, je me voyais déjà en train de jouer dans cet environnement-là et tout. Et il y avait vraiment... c'est un des moments où j'ai approché cette notion de ouais, un jeu c'est une ambiance en fait. Et justement, quand l'ambiance, le gameplay fait ambiance et que de façon assez forte pour que tu puisses en faire ensuite un récit, que la personne, quand elle écoute le récit, elle revit à nouveau l'ambiance, je trouvais ça très cool. Et je pense que c'est ouais, cette notion d'ambiance qui m'a pas mal inspiré par la suite, quoi. Ben merci beaucoup pour ce témoignage, Thomas, et puis merci pour avoir partagé avec nous tes réflexions sur la réalité virtuelle comme outil de réflexion pour construire des game design innovants. Adrien, est-ce que tu as un dernier mot ? Je te vois plonger dans des abîmes de pensée. Eh ben, tu me prends totalement dépourvu. Non, c'est effectivement, je pense qu'on a bien défriché en termes de gameplay. De potentialité et d'impasse aussi de la réalité virtuelle. En attendant, nous on se retrouve donc dans 2 semaines comme à chaque fois, très certainement avec nos camarades féminines au micro. En attendant, jouez bien, jouez plein tant qu'on a le droit. À très bientôt.